peine à trouver les mots pour te dire que c'en est trop. J'ai bien trop culpabilisé. Je sais que ce n'est pas facile d'admettre tes erreurs. Tout devient trop compliqué. J'ai besoin d'un break, je veux la paix. Avant qu'il soit trop tard de plonger dans le noir, cessons de se déchirer, nos cœurs en ont assez. Avant qu'il soit trop tard de plonger dans le noir, cessons de se déchirer, nos cœurs en ont assez. Dans le noir, c'est son de se déchirer. Nos cœurs en ont assez.